Le château d'Epstein, deuxième partie. Chapitre 10. Everard offrit à l'étranger l'hospitalité dans la maison du garde-chasse et son nouvel ami accepta l'offre avec empressement. « Seulement, dit-il, je voudrais ne reparaître devant le vieux Gaspard que lorsque Jonathas sera de retour. Alors, et en même temps que la présence de sa petite fille réalisera un des vœux du vieillard, je m'engage, moi, à réaliser l'autre. » Le voyageur inconnu parlait avec tant de confiance et d'autorité qu'Everard n'opposa à son désir aucune objection et s'achemina pensif, avec lui, du côté de la cabane. Au fur et à mesure qu'ils approchaient, l'homme ralentissait le pas et semblait respirer avec plus de difficulté. Une singulière émotion oppressait sa poitrine. Quand il arriva devant la maison verdoyante de vignes, il s'arrêta tout à coup, sans pouvoir avancer davantage. Everard le regardait avec étonnement, mais n'osait l'interroger. L'étranger se remit enfin, entra dans la chaumière et se laissa conduire par son jeune guide dans une chambre éloignée de celle du malade. Là, il passa tout le reste de sa journée, soit à se reposer, soit à écrire des lettres. Puis, quand vint la nuit, une nuit transparente et claire comme celle de la veille, il pria Everard, qui était venu lui faire une visite, de l'introduire au château. L'enfant avait la clé d'une petite porte du parc, et on le sait déjà, les deux ou trois domestiques laissés à Epstein par le comte Maximilien ne s'étonnaient ni ne s'inquiétaient de la présence ou de l'absence du fils de leur maître. Everard put donc remplir le désir de l'étranger et le faire entrer dans la vieille demeure de sa famille. L'homme et l'enfant entrèrent d'abord dans le jardin. Là commencèrent les étonnements d'Everard. Ce jardin parut rappeler à son compagnon mille souvenirs. Il s'arrêta à chaque buisson, à chaque massif d'arbres. En passant devant un berceau, il alla s'asseoir sur un banc et brisa une branche de chèvrefeuille qu'il porta à ses lèvres. Du jardin, on passa au château. Rien n'y était changé depuis la mort d'Albine. L'étranger alla droit à l'oratoire. La petite chapelle n'était éclairée que par un rayon de la lune qui passait à travers les vitraux peints et venait tomber juste sur le prie-dieu de velours où la Bible était encore ouverte au dernier endroit où l'avait lu la trépassée. L'étranger s'agenouilla sur ce prie-dieu, laissa tomber son front sur le livre saint et pria profondément. Everard se tint debout à la porte, regardant cet homme qu'il n'avait jamais vu et pour lequel cependant chaque objet semblait être un souvenir. Après un quart d'heure de prière, l'étranger se leva. Ce n'était plus Everard qui le conduisait, c'était lui qui conduisait Everard. Il s'achemina vers la grande chambre, vers la chambre de famille, vers la chambre rouge. À la porte, et comme il mettait la main sur la clé, Everard mit la main sur sa main. « Cette chambre était celle de ma mère. Je le sais, » dit l'étranger. Et il entra. L'enfant le suivit. Cette chambre aussi n'était éclairée que par les rayons de la lune, mais il jetait une lueur assez vive pour que l'on pût distinguer chaque objet. L'étranger alla s'appuyer contre un grand fauteuil de chêne. « Ce fauteuil est celui de mon grand-père, le comte Rodolphe, » dit l'enfant. « Je le sais, » répondit l'inconnu. Alors il rapprocha ce fauteuil d'un autre fauteuil pareil. « Ce second fauteuil est celui de ma grand-mère Gertrude, » dit Everard. « Je le sais encore, » répondit l'étranger. Puis l'étranger se tourna vers la porte et de là, regardant les deux fauteuils placés comme ils l'étaient et qui, sans doute, par cette position même, lui rappelaient quelques profonds souvenirs, il porta la main à ses yeux et se prit à pleurer. Puis, après un instant de silence, « Et maintenant, » dit l'étranger, « allons au tombeau. » Everard voulut sortir, car il ne connaissait au caveau mortuaire de sa famille d'autre entrée que celle qu'il donnait dans la chapelle. Mais l'étranger l'arrêta, et le prenant par la main, « Viens par ici, » dit-il. L'enfant, étonné, se laissa conduire par cet homme qui semblait connaître mieux que lui le château de ses pères. L'étranger s'avança vers une partie de la tapisserie qui était située entre la fenêtre et la tête du lit, et appuya la main contre la muraille. Au grand étonnement d'Everard, la muraille céda. Un air humide vint frapper son visage et ses yeux, habitués à l'obscurité comme ceux des animaux avec lesquels il passait ses nuits dans la forêt, découvrirent les premières marches d'un escalier. « Suis-moi, » dit l'étranger. Et l'enfant, de plus en plus étonné, marcha derrière l'inconnu. À mesure que les deux visiteurs nocturnes descendaient les marches de cette espèce de couloir pratiqué dans l'intérieur de la muraille, une pâle lueur semblait venir au-devant d'eux. C'était celle de la lampe qui éclairait les caveaux et qui, par un ordre spécial d'un des ancêtres, devait brûler éternellement. Everard et l'inconnu arrivèrent à une petite grille. Cette grille était fermée. L'inconnu étendit la main et, derrière l'angle d'un pilier, prit une clé suspendue à un clou et ouvrit la porte. Everard se rappela avoir souvent, de l'intérieur des caveaux, remarqué cette grille, mais sans s'être jamais inquiété où elle donnait. L'enfant alla s'agenouiller au tombeau de sa mère et l'étranger à celui du comte Rodolphe. De ce tombeau, l'étranger passa à celui de la comtesse Gertrude, puis il vint à celui d'Albine. L'enfant était tellement absorbé dans sa prière qu'il n'entendit point les pas de l'inconnu qui s'approchait de lui. Arrivé près d'Everard, l'inconnu écouta la prière de l'enfant. Mais à son grand étonnement, ce n'était pas une prière, c'était une causerie. L'enfant ne priait pas comme on prie auprès du tombeau d'une mère morte. L'enfant parlait comme on parle à sa mère vivante. Puis il faisait des pauses pendant lesquelles il écoutait et souriait. L'étranger s'agenouilla de l'autre côté du tombeau. Ils restèrent ainsi longtemps, chacun d'eux semblant avoir entièrement oublié l'autre. Enfin, l'inconnu se leva et, frappant sur l'épaule d'Everard, « Viens, lui dit-il, il est tard et tu dois avoir besoin de repos. » L'enfant s'était endormi, la tête appuyée au tombeau de sa mère. Le lendemain et les jours suivants, l'inconnu devint de plus en plus familier et paternel avec Everard, qui, de son côté, depuis la scène du tombeau, lui avait montré beaucoup de tendresse. L'étranger profita du sentiment que l'enfant lui manifestait pour l'interroger sur son père, le comte Maximilien. Mais sous ce rapport, hélas, Everard était bien ignorant. « En vérité, dit l'enfant, je ne sais si je le reconnaîtrai moi-même. Tant d'années ont passé depuis que je ne l'ai vu, et il est parti si vite. Toute son affection, comme c'est juste, s'était portée sur mon frère aîné, sur Albert. Je ne m'en plains pas. De cette façon, il m'a laissé tout entier à ma mère, et ma mère même pour deux. » L'étranger avait déjà remarqué que l'enfant parlait de sa mère non pas comme d'une trépassée, mais comme si elle était toujours vivante. Cette espèce de lutte, dans laquelle un enfant semblait vouloir disputer l'amour d'une mère à la mort, rendit plus intéressante encore à ses yeux ce jeune homme qu'il paraissait, du reste, aimer profondément. Mais en pénétrant plus avant dans l'amitié d'Everard, l'étranger commença de s'apercevoir, et cela avec un grand étonnement, de l'ignorance de cet esprit si profond, si réfléchi, parfois même si subtil. Un jour, l'inconnu prononça devant l'enfant le nom de Napoléon, et l'enfant lui demanda quel était cet homme. Everard était peut-être le seul en Europe qui ignora ce nom, que répétaient à cette époque tous les échos du monde. L'inconnu lui fit connaître alors cette magnifique épopée dont l'Égypte n'était qu'un champ et Austerlitz qu'un épisode. Il lui dit enfin que Napoléon était un de ces rares génies qui apparaissent à des temps voulus, météores providentiels qui éclairent les peuples et qui s'appellent César ou Charlemagne. Mais l'enfant ne connaissait pas plus les noms de Charlemagne et de César qu'il ne connaissait le nom de Napoléon. Ainsi, quand l'inconnu raconta à l'enfant les Alpes, l'Italie et l'Égypte, celui-ci écouta avec un étonnement naïf ce premier retentissement de l'histoire dans sa solitude, comme il eût écouté un conte des mille et une nuits. Mais sa pensée était vaste et profonde, sa vie l'avait préparée au merveilleux et à l'infini. Il cessa bientôt de s'étonner et admira seulement.